avec des balles en verre. Mon cœur s'essouffle, je suis à bout de souffle, je suis pas bébelle, mon dos sur lequel je peux plus porter tant d'incertitudes. Pourtant j'aimerais plus qu'à moitié y arriver pour décoller. Faudra bien y aller. J'ai trop de pression, je dévisse le bouchon.